Chapitre 7e. Le 11 mars, à 8h du matin, on aperçut du haut des mâts une terre dans l'ouest. Il est difficile de décrire la joie que ressentit l'équipage. Nous avions passé 3 mois et demi sans boire terre, et les tempêtes, les dangers, les changements de température de toute espèce avaient affaibli tout le monde. Chacun reprenait courage et gaieté. Nous croyions être arrivés à la fin de nos maux. Et d'après la description du navigateur hollandais, nous comptions trouver des volailles et des fruits en abondance. Je ne doutais pas que ce fût la terre de Davis sous l'île de Pâques, car son aspect, du point où nous étions, correspondait parfaitement à ce qu'en dit Wafer. Le lendemain, à l'aide de nos lunettes, nous découvrîmes des habitants et quelques-unes de ces statues colossales dont parlent les auteurs du voyage de Rogwin. À mesure que nous avancions, la terre semblait peu fertile. Il y avait peu de verdure et on y voyait à peine quelques buissons. Mais dans notre situation, le rocher le plus stérile était un charmant spectacle. Ce qui attirait davantage nos regards, c'étaient les statues que l'équipage de Rogwin prit pour des idoles. Mais nous conjecturâmes dès lors que ce sont des monuments érigés en l'honneur des morts. Nous étions arrivés directement à cette île, quoique plusieurs autres navigateurs tels que Byron, Carteret, Balès et Bougainville l'eussent manqué après avoir pris leur point de départ d'une île aussi peu éloignée que les celles de Juan Fernandez. Nous ne cessions de regarder le rivage, formé de roches brisées dont l'aspect caverneux, la couleur noire et ferrugineuse, annonçait les vestiges d'un feu souterrain. Nous remarquâmes surtout 2 rochers. La forme de l'un était singulière et ressemblait à une colonne ou obélisque énorme. Tous les 2 étaient remplis d'une quantité innombrable d'oiseaux de mer, dont les cris discordants assourdissaient nos oreilles. À l'aide de nos lunettes, nous découvrîmes plusieurs plantations. En général, cependant, la surface de l'île paraissait très aride et très déserte. Mais nos yeux, si longtemps privés du doux spectacle de la verdure, contemplaient avec plaisir cette île, où nous apercevions des naturels presque nus qui descendaient précipitamment vers la grève. Bientôt une pirogue montée par 2 hommes s'approcha de nous. Ils apportaient des fruits, et dès qu'ils furent bord à bord, pour demander une corde, ils employèrent le même mot que les Tahitiens. Ce fut un singulier spectacle que celui qu'offrit alors tout l'équipage, se précipitant afin de contempler les bananes. Chacun désirait manger de ces beaux fruits. Toutes les physionomies respiraient la joie. Plus de 50 d'entre nous s'efforcèrent de commencer une conversation avec les naturels de la pirogue. Et comme tout le monde leur parlait à la fois, ils ne pouvaient répondre à personne. Ce qui nous frappa le plus en eux fut la grandeur de leurs oreilles, dont le lobe, si allongé qu'il tombait presque sur l'épaule, était percé d'un grand trou où l'on mit aisément 4 ou 5 doigts. Je continuai à ranger la côte sans trouver un meilleur mouillage que celui que nous avions dépassé. Je revirai donc pour y retourner. Dès que les insulaires aperçurent notre chaloupe en mer, ils se rassemblèrent sur la côte, près de l'endroit où je voulais aborder. Au milieu de cette foule d'hommes, nous en vîmes plusieurs qui étaient vêtus d'une étoffe jaune, ou plutôt de couleur orange, et nous les prîmes pour des chefs. Nous distinguions aussi les habitations, qui semblaient longues et très basses, plus élevées au milieu, et se terminant en pointe aux 2 extrémités. Elles avaient la forme d'une pirogue la quille en l'air. On apercevait une petite porte, si basse qu'il faut se baisser pour y entrer. Un grand nombre de colonnes noires, rangées le long de la côte, frappaient nos regards. Plusieurs étaient érigées sur des plateformes. Nous y distinguions déjà quelque chose qui ressemblait, vers sa partie supérieure, à une tête et des épaules humaines. Mais le bas paraissait être une roche grossière et informe. Souvent nous en comptions 2, 4 ou 5, groupés l'une près de l'autre. Eudidée, qui avait déjà témoigné le désir d'aller à terre, fut très charmé de ce que les habitants de cette île parlaient presque sa langue. Il essaya plusieurs fois de converser avec l'insulaire qui vint à bord, mais il fut interrompu par les questions que d'autres personnes du vaisseau adressaient à notre hôte. Le dialecte de l'île de Pâques est semblable, à beaucoup d'égards, à celui de la Nouvelle-Zélande, et il a aussi quelque chose de celui de Tahiti. Ayant mouillé trop près du bord de la grève, une brise fraîche qui souffla de terre nous chassa au large, et après qu'on eut relevé l'ancre, je fis voile de nouveau pour regagner la côte. Tandis que le vaisseau exécutait ses manœuvres, j'allai à terre, accompagné de quelques-uns de nos messieurs, afin de voir ce que l'île pourrait nous fournir. Nous débarquâmes sur un rivage sablonneux où étaient rassemblés 100 ou 150 naturels qui montraient tant d'envie de nous voir que plusieurs se jetèrent à la nage et vinrent à la rencontre de nos chaloupes. Je leur distribuai d'abord des bagatelles et ensuite je leur demandais par signe à manger. Aussitôt, ils nous offraient des patates, des bananes sauvages, des cannes à sucre, et les échangèrent contre des clous, des miroirs ou des morceaux d'étoffe. Après avoir passé quelque temps sur la grève, entouré des naturels du pays, nous pénétrâmes dans l'intérieur des terres. Toute la campagne était couverte de rochers et de pierres qui, par leur couleur noirâtre et leur aspect poreux, semblaient avoir été exposés à un grand feu. À environ 20 pas de la place du débarquement, nous vîmes une muraille perpendiculaire de pierres de taille carrée, d'environ 1 pied et demi ou 2 pieds de long et 1 pied de large. Sa plus grande hauteur était d'environ 7 ou 8 pieds et sa longueur totale d'environ 30 pas. Chose remarquable, ces pierres étaient jointes d'après les règles précises de l'art et elles s'emboîtaient de façon parfaite. Le grain, cependant, n'en est pas très dur. C'est une lave pierreuse, brune, caverneuse et cassante. Un peu plus loin, nous trouvâmes un espace pavé de pierres carrées semblables à celles qui formaient les murailles. Au milieu s'élevait une colonne monolithe représentant une figure humaine, à mi-corps, d'environ 2 pieds de haut et de plus de 5 de large. La grossièreté du travail de cette figure annonce l'enfance des arts. Sur une tête mal dessinée, on aperçoit à peine les yeux, le nez et la bouche. Les oreilles, excessivement longues, sont moins mal exécutées que le reste. Le cou est petit et court, et l'on ne distingue presque pas les épaules ni les bras. Il y a au sommet de la tête un énorme cylindre de pierre de plus de 5 pieds de diamètre et de hauteur, placé tout droit. Ce chapiteau, qui ressemble un peu à celui que certaines divinités égyptiennes portaient sur la tête, est d'une pierre différente du reste de la colonne, plus rougeâtre. Nous n'avons pas remarqué que les naturels rendissent aucun culte à ces colonnes. Ils paraissent cependant avoir pour elles de la vénération, car ils témoignaient du mécontentement lorsque nous marchions sur l'espace pavé ou des piédestaux ou que nous en examinions les pierres. Ces statues sont, autant que nous en avons pu juger, des bustes et le bas forme socle. L'exécution n'est grossière, mais pas trop mauvaise. Les traits du visage, et spécialement le nez et le menton, ne sont point mal formés. Mais les oreilles ont une longueur disproportionnée. Quant au corps, on a peine à y trouver de la ressemblance avec celui d'un homme. Nous avons peine à concevoir comment ces insulaires ont pu élever des masses si étonnantes et placer au sommet les grosses pierres cylindriques dont j'ai fait mention plus haut. De quelque manière qu'on les ait élevées, il a fallu un temps énorme pour le faire. Cela montre assez l'industrie et la persévérance des gens qui les ont érigées. Car les habitants actuels de l'île n'y ont certainement eu aucune part puisqu'ils ne réparent même pas les fondements de celles qui tombent en ruine. Ces monuments étant au-dessus des forces actuelles de la nation sont vraisemblablement des restes d'un temps plus fortuné. En quittant l'île de Pâques, je projetais de toucher aux Marquises si je ne rencontrais aucune terre avant d'y arriver. À peine fûmes-nous en mer que je fus attaqué d'une seconde maladie bilieuse un peu moins violente que la première. Je crois que je m'étais trop fatigué à l'île de Pâques. Le séjour à terre et le peu de végétaux que nous venions d'y prendre avaient rétabli la santé des scorbutiques, mais plusieurs retombèrent bientôt malades et se plaignirent de constipation et d'affections bilieuses qui sont mortelles dans les climats chauds. Notre chirurgien fut obligé de garder le lit. Les calmes surtout nuisirent beaucoup aux malades, mais on les voyait se ranimer à mesure que le vent devenait frais. Je continuai de cingler à l'ouest jusqu'au 6. Ce jour-là, par 9 degrés 20 minutes de latitude et 138 degrés 14 minutes de longitude ouest, nous découvrîmes une île. Nous en vîmes ensuite une seconde, qui semblait plus étendue que la première. Je laissai arriver sur celle-ci et marchai à petite voile toute la nuit. Le lendemain matin, à 6 heures, la première île nous restait au nord-ouest, la seconde au sud-ouest et une troisième à l'ouest. Je donnai ordre de gouverner entre les deux dernières. Bientôt après, nous en aperçûmes une quatrième encore plus à l'ouest. Nous fûmes alors bien certains que c'étaient les îles Marquises, découvertes par Mindana en 1595. La première île n'existait pas sur nos cartes et je la nommai île de Aude, nom du jeune volontaire qui l'aperçut le premier. La seconde était celle de San Pedro, la troisième la Dominica et la quatrième Sainte-Christine. La vue de la côte de Sainte-Christine, la plus voisine de nous, ramenait notre courage et nous inspirait cette gaieté que ressentent tous les marins fatigués à l'aspect d'une campagne fertile. Les deux points de chaque anse que nous dépassions enfermaient une vallée remplie de forêts et de plantations d'une charmante verdure. Nous voyions de toutes parts des habitants courir en regardant notre vaisseau. Parvenu devant le port que nous cherchions, j'essayai d'y entrer, mais comme le vent était debout et qu'il soufflait par rafales violentes, l'un des grains nous saisit au moment de la manœuvre, brisa un des mâts. et avant d'avoir viré, nous faillîmes être brisés contre les rochers, ce qui m'obligea à porter au large et à forcer de voile. Je remis ensuite le cap vers la côte et sans essayer de virer, je mouillai à l'entrée de la baie. À l'instant, 30 ou 40 naturels s'approchèrent de nous sur 10 ou 12 pirogues. Quelques-unes de ces pirogues étaient doubles et portaient 15 hommes. D'autres, au contraire, plus petites, en contenaient de 3 à 7. Avant de monter sur notre bord, ces insulaires nous offrirent des plants de poivre, sans doute comme symbole de paix. Ces naturels étaient bien faits, d'une jolie figure, d'un teint jaunâtre ou couleur de tang. Des tatouages répandus sur tout leur corps le faisaient paraître presque noir. Comme nous leur demandions sans cesse des cochons, ils nous promirent de nous en amener, et le soir, ils nous en vendirent un pour un couteau. Dès le matin du 8, les insulaires nous firent une seconde visite en plus grand nombre que la veille. Ils nous vendirent du fruit à pain, des bananes sauvages et un petit cochon pour des clous, des haches, etc. Mais souvent, ils voulaient garder nos marchandises sans rien donner en retour. Je fus obligé de tirer un coup de fusil par-dessus la tête de l'un d'eux qui nous avait déjà trompés plusieurs fois. Ils se comportèrent ensuite avec plus d'honnêteté. On leva l'ancre le 12 avril 1774 et je portai sur la Dominica afin de connaître le côté occidental de cette île. Puis nous cinglâmes au sud pour Tahiti dans le dessein de rencontrer quelques-unes des îles que découvrirent les premiers navigateurs.